À mon époque, on t'écrit plus qu'en abrégé, que ça soit en mode TNF ou en ABC, comprend les incompréhensions. Génération d'incompris, alors sur soi-même on se replie, on se retire, on marche seul, les écouteurs sur les oreilles, musique à fond pour recueil, dans la tête ça rêve d'oseille. Mon époque se vit, mais seulement avec de l'argent, sinon la galère sévit et sentiment. Mon époque manque de sentiments, une vie dure comme un match sans mi-temps. Et l'arbitre est miteux et mytho, siffle des fautes où y'en a pas dans des sanctions. J'ai des défauts, mais il faut pas exagérer, mon époque a du mal à gérer. Trop souvent on s'enfonce, génération de jeunes qui foncent dans la défense. À mon époque, les jeunes ont la haine. Génération blasée pendienne, génération tarée qui veut se parer carrément égaré. À mon époque, les jeunes ont la haine. Génération blasée pendienne, génération tarée qui veut se parer carrément égaré. Mon époque n'a plus besoin de psy pour ses problèmes, car elle dévoile sa vie, mais sur MSN. Ma génération paraît gênée, se cache derrière des pseudos et derrière les écrans, on parle sur les dos. N'a pas de cran, ma génération, c'est celle des réputations, où le petit bisou devient une fellation, où les meufs qui couchent sont de grosses putes. Mais les gars, eux, ont trouvé le truc. Ça, à l'époque, y'a moins en moins de solidarité, et les potes sont de moins en moins habilités à t'aider quand ça va pas, quand tu dérapes et glisses comme sur du vent. Ça, une époque triste où le respect se perd, où les jeunes sont rebelles, où les filles font les belles et les gars sont les cons. Époque où c'est mentir que de dire que les bagarres ne sont pas banales. À mon époque, les jeunes ont la haine. Génération blasée pendienne, génération tarée qui veut se parer carrément égaré. À mon époque, les jeunes ont la haine. Génération blasée pendienne, génération tarée qui veut se parer carrément égaré. Ma génération, c'est celle qui n'a plus peur de se battre, celle prête à tout. Si tu lui graisses la patte, ça se tape comme ce qu'on fait la sauna au Panama. Et y'en a marre, donc mon époque ne croit pas en demain. Est pessimiste et pétrifiée, elle reste fière et relève la tête. Je crois en elle, me crois-tu bête? Génération de jeunes qui font tête baisée, confond le mot baiser et câliner. Je crois qu'il n'y a plus d'amour, vu qu'à mon époque, même les vieux couples se jouaient tour, tour à tour. Jour après jour, je perds confiance à mon époque. Je rêve que je la troque contre celle passée, celle du temps défaissé, celle de l'inconscience, celle au futur jamais tu ne penses. Et aujourd'hui, trop de plaies ouvertes, il faut que je pense. À mon époque, les jeunes ont la haine. Génération blasée pendienne, génération tarée qui veut se parer carrément égaré. À mon époque, les jeunes ont la haine. Génération blasée pendienne, génération tarée qui veut se barrer carrément égaré. Mon époque est folle, il n'y a plus rien de drôle. Elle déconne et drôle à des gommes. Ma génération s'effondre et se rapproche du sol. Et elle s'efforce de prendre son envol. Mon époque est folle, il n'y a plus rien de drôle. Elle déconne et drôle à des gommes. Ma génération s'effondre et se rapproche du sol. Et elle s'efforce de prendre son envol.